Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Bonjour, ici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins du Domaine du Roy. Le personnel et les dirigeants de la Caisse sont honorés de supporter nos athlètes locales Cassandra Bradette et Marianne Saint-Gelais aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. Suivez leurs exploits ainsi que ceux de tous nos Canadiens du 9 au 25 février 2018. Cassandra et Marianne, deux grandes fiertés, des exemples de détermination pour notre collectivité et une preuve tangible qu'il est permis de rêver. Desjardins, partenaire incontournable de tous vos projets. C'est avec un grand plaisir que je reçois l'ex-médaillé olympique Joanie Rochette. Question un peu de savoir un peu comment elle vit ça en pleine période olympique. On lui parle. Salut Joanie. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Joanie, comment tu vis ça quand tu regardes les Olympiques, là? Comment tu vis ça? C'est drôle parce que là, c'est la première fois que j'ai aucun rôle à jouer aux Jeux olympiques. Les derniers, j'y étais en tant que commentatrice, là. Oui. Je continue ma vie, je suis à l'école à temps plein, donc je regarde un peu comme monsieur, madame, tout le monde quand j'ai du temps sur mon téléphone, le soir quand je reviens. C'est sûr que oui, ça me manque, mais en même temps, vu que ça fait déjà deux cycles olympiques où je compétitionne pas, c'est un peu plus loin de moi, puis je le vois un peu de l'extérieur. OK. Dis-moi, parlons de ta carrière de médecin maintenant. C'est-tu quelque chose que tu espérais depuis longtemps? Quand tu as décidé de faire une carrière de médecin? Ben, en fait, c'était mon plan A. Avant que le patinage devienne plus sérieux, l'école, c'était toujours important dans ma famille. Mes parents ont toujours encouragé, ont toujours voulu que je reste à l'école. Puis quand j'ai commencé mon cégep, vers la fin de l'école secondaire, c'est là que j'ai vu que le domaine médical m'intéressait. Ma mère était préposée aux bénéficiaires. Oui, j'ai une cousine qui est pharmacienne. Donc, toujours quelque chose qui m'intéressait, surtout avec le sport. J'étais très curieuse d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du corps humain. Sauf qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix un peu déchirant là, de faire mon cégep à temps partiel puis de possiblement mettre une croix sur mon rêve de retourner à l'école en médecine. Oui. Mais finalement, en 2016, j'ai décidé de, comme ça, juste d'envoyer mon inscription, de voir ce que ça allait donner. Puis finalement, j'ai été pris. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, c'est la chance d'une vie, puis que j'ai vraiment diminué le patinage. OK, Joanie. Oui, Joanie, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. On dit tout le temps qu'un athlète olympique, il y a du rattrapage à faire après qu'il a pris sa retraite. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que c'est des heures d'entraînement. Il n'a peut-être pas vécu nécessairement comme un adolescent, comme un adulte normal. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est sûr que c'est des sacrifices, mais je pense qu'en tant qu'athlète, on est conscient que c'est un choix qu'on fait. Cette vie-là, je l'avais choisie. Oui, par moment, ça a été difficile, mais c'est aussi des plus beaux souvenirs de ma vie. Voyager un peu partout à travers le monde avec une gang de patineurs. On en a eu du fun, là. C'était pas juste des sacrifices non plus. Puis je pense que ça me donne un peu les fondations, la base pour retourner dans un programme comme la médecine qui demande quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'études le soir. Je pense qu'au moins là, je sais que j'ai ce qu'il faut pour être disciplinée puis d'étudier un peu à tous les soirs. Mais c'est sûr que le patinage, ça va toujours me manquer, là. Mais c'est pas facile en tant qu'athlète après les Jeux de se retrouver, de savoir ce qu'on veut faire pour le reste de notre vie, parce que souvent on est quand même assez âgé. La plupart ont environ 30 ans, 35 ans quand ils décident de mettre un terme à leur carrière. Donc de recommencer dans un nouveau domaine à cet âge-là, c'est assez intimidant. Comme là, je vais terminer à l'école à 34 ans. C'est pas jeune. Après ça, j'ai une résidence à faire entre 2 et 5 ans encore. Ouais. Donc, j'avais pas fini avant 39 ans, c'est parti comme ça. C'est un peu intimidant, mais en même temps, je pense que c'est important de prendre le temps de se retrouver et de trouver quelque chose qui nous passionne pour le reste de notre vie. J'ai quelques questions des auditeurs. J'ai demandé s'il y avait des questions, puis effectivement, il y en a. Et je veux savoir, Joanie, il y en a un qui m'a demandé, puis ça, c'est intéressant comme question. Lors des Jeux de Vancouver, on connaît toute ton histoire des Jeux de Vancouver. Est-ce vrai que tu étais sous hypnose afin de garder le focus sur ta routine? Est-ce que c'est vrai que parce que l'hypnose, ça, au niveau psychologique, c'est très fort aussi. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, je n'étais pas vraiment sous hypnose. C'est sûr qu'on dit souvent quand on termine, des fois qu'on ne se souvient même pas d'avoir patiné. Ouais. Ça, je pense parce qu'on est vraiment dans le moment présent. Mais j'utilisais beaucoup l'hypnose pour dormir, pour faire des siestes, pour la relaxation. Mais bon, je ne l'ai jamais essayé pour faire la compétition. OK. Frédéric Hébert demande, as-tu entrepris tes études de la même façon que tu as entrepris ta carrière de patineuse? Avec la même attitude foncière, une personne qui fonce et ainsi de suite, là. Ben oui, on n'a pas le choix. Je veux dire, on commence dans un nouveau domaine. La seule différence, c'est que en patinage, j'avais atteint un certain niveau de connaissances, de bagages, tandis que là, je recommence vraiment à zéro. Donc, c'est sûr que des fois, il faut être un peu plus patient parce que on peut pas tout savoir d'un coup. Mais c'est la vie, là, c'est comme ça. OK. Et la dernière question, ma dernière question aussi, Joanie, comment tu vois l'avenir de ton sport? Je trouve que ça évolue tellement vite, surtout chez les hommes. Okay. Quand Patrick Chan a terminé en 2014, deuxième, il faisait deux quadruples, puis c'était ça la norme. Là, aujourd'hui, les gars font 6 quadruples dans leur programme libre, puis ils font des quadruples sauts que personne pensait que c'était possible. Donc, c'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle ça se développe. Mais c'est le fun en même temps, ça ajoute un côté athlétique super impressionnant. Okay. Un peu comme on regarde en slopestyle ou d'autres sports plus extrêmes. Mais nous, c'est sûr que bon, il y a les paillettes, il y a tout le côté artistique, mais il y a un côté technique aussi vraiment impressionnant. As-tu été approché pour faire un film? Il me semble que les Olympiques, tu sais, c'est souvent des scénarios. Le sport, c'est souvent des scénarios de films. Les Sœurs du Four à la Pointe, moi, je vois un film là-dedans, c'est incroyable. Toi, ton histoire, c'est sûr que c'est quand même le malheur, mais ça démontre le courage aussi de Joanie Rochette. Est-ce que tu étais approché pour faire un film sur le... Non, pas vraiment. Non? Okay. Le channel YouTube Olympique a fait une histoire un peu pour expliquer ce qui s'est passé. J'ai participé au montage, à l'entrevue, tout ça. Mais sinon, un film, non. J'ai jamais eu d'offre de ça. Et ma dernière question, là, c'est vrai. Là, Jean-Luc Brassard, avant les Jeux Olympiques, a fait une entrevue à Télé-Québec où il remettait à cause. Il disait qu'il avait perdu ses illusions face aux Olympiques. Les cas de dopage, les cas aussi de pot de vin envers le CIO, ainsi de suite. Toi, est-ce que tu es d'accord avec Jean-Luc ou ça reste que les Olympiques, c'est encore de la magie pour toi? Ben, c'est encore de la magie pour moi. Puis, tu sais, oui, dans n'importe quoi, il y a toujours des côtés un peu moins glorieux. Puis, oui, le scandale qu'il y a eu avec tout le dopage en Russie, puis les pots de vin, c'est plate, mais ça existe dans plein de domaines. On a juste à regarder la politique. Ouais. C'est sûr qu'il y en a toujours des pots de vin, puis c'est un peu la vie. Puis, je pense que, bon, oui, il faut se battre pour contrer ça. En même temps, il faut quand même être capable d'apprécier les Jeux, mais j'apprécie beaucoup le courage de Jean-Luc qui veut se battre pour les athlètes. C'est super beau, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas que les gens non plus perdent un peu la magie des Jeux olympiques. Joanie, merci beaucoup. Félicitations. Puis je sais qu'en tant qu'un médecin, il y a un stage en région. Je pense qu'il faut que tu viennes en région une couple d'années, je pense. Est-ce que je me trompe en disant ça? C'est vrai. Peut-être que tu vas venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui sait? Ben peut-être, oui, on ne sait pas encore. Ça va être donné aléatoirement, donc on va voir, mais peut-être, oui. Effectivement. Joanie Rochette.